Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 79. Des parties intégrantes de la justice, qui consistent à faire le bien et à éviter le mal. De la transgression, de l'omission, parallèle. 1. Éviter le mal et faire le bien. Sont-ce des parties de la justice? Toute vertu, sans aucun doute, fait le bien et évite le mal. Mais c'est le propre de la justice, en tant que vertu spéciale, de faire le bien qui est une dette envers le prochain, et d'éviter le mal opposé. Il lui appartient aussi, comme vertu générale, de faire le bien qui est une dette envers la société ou envers Dieu, et d'éviter le mal contraire. Or ce sont là deux parties quasi intégrantes de la justice, dont l'emploi est d'établir l'égalité dans les choses qui regardent le prochain. Cette vertu, en effet, doit d'abord constituer l'égalité, en rendant aux autres ce qui leur est dû, c'est-à-dire faire le bien, et maintenir cette égalité une fois établie, en ne leur causant aucun tort, ce qui consiste à éviter le mal. Note. Le bien et le mal sont envisagés ici sous un rapport spécial, par le côté qui regarde la justice, constituer l'égalité, et ne pas la détruire une fois constituée, sont deux choses distinctes en matière de justice. Fin de la note. 2. La transgression est-elle un péché spécial? Quoique par un péché mortel quelconque qu'on transgresse un précepte divin, la transgression, qui, entendue dans le sens formel, consiste proprement à violer un précepte négatif, peut devenir un péché spécial sous un double rapport, comme constituant un mépris du précepte lui-même, ce qui est une infraction de la justice légale, et comme se distinguant de l'omission, laquelle est opposée à un précepte affirmatif. 3. L'omission est-elle un péché spécial? Tout bien qui se présente comme une dette est proprement du domaine de la justice. Or, puisque, comme nous l'avons vu, la justice est une vertu spéciale, l'omission d'un tel bien est aussi un péché spécial, qu'il ne faut pas confondre avec les péchés contraires aux autres vertus. En outre, de même que faire le bien, œuvre à laquelle est opposée l'omission, constitue, dans la justice, une partie distincte de la fuite du mal, à laquelle la transgression est opposée. L'omission doit encore pour cette raison être distinguée de la transgression. Note. Le péché de transgression est la violation des préceptes négatifs, dont le but est de nous faire éviter le mal, et le péché d'omission est opposé aux préceptes affirmatifs, qui ont pour objet de nous faire pratiquer le bien, mais qui n'obligent pas à tous les instants, comme les préceptes négatifs. L'omission commence quand le temps d'agir est arrivé. Fin de la note. 4. L'omission est-elle un péché plus grave que la transgression? Il est plus facile de s'abstenir du mal que d'accomplir le bien, conséquemment, la transgression est plus coupable que l'omission. La transgression est le contraire d'un acte de vertu, au lieu que l'omission en est seulement la négation. Exemple. Ne pas donner à ses parents un témoignage de respect qui leur est dû, est un péché d'omission, leur adresser une invective, voilà un péché de transgression. Il est visible par là que, la transgression est en elle-même un péché plus grave que l'omission, bien que, par l'effet des circonstances, telle omission puisse l'emporter sur telle transgression. Note. Les mots omission et transgression désignent, à proprement parler, le péché mortel, mais, dans un sens vague, on peut les appliquer à certaines fautes qui, en dehors des préceptes négatifs et affirmatifs, sont un acheminement, par manière de disposition, à la violation complète des préceptes. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.